J'avoue, j'ai pris ça pour un jeu, c'est pour un jeu. J'enchaîne les séances des studios. Je m'entre de fesses, bébé, t'es pas. T'as mis du temps avant de t'attacher. Et loin toi de moi, ta vie va changer, moi. Au studio, mon temps, je passe. Je peux pas m'arrêter parce que toi, j'aurai pas tout me raconter. T'es Gucci, je serai ton Versace. Fais semblant, mais j'ai grave mal. Tu touches mon cœur avec des mots. Ouais, t'es pas là, t'es pas là. Tu passes à moi quand tu te balades. Sur Paname, toute la night. Moi, dans mon quartier, je pense à toi. Parce que t'es différente, c'est trop bizarre. T'es fraîche, t'es bonne et tu fais pas. Y'a trop de méfaits dans mon passé, donc les femmes, je les effraie. Sois pas en stress. Nos départs, on jouait là. Pourquoi t'es piqué? À demi-to, moi je sais que t'aimes les vrais mecs du ghetto. Mais t'es inquiété. Je veux la cerise et le gâteau. Pour moi t'es qu'un, je demande à l'étau. J'avoue que j'ai pris ça pour un jeu. J'enchaîne les séances des studios. J'suis pas entre deux fesses, bébé, t'es parano. Mais peut-être bien que je te mens. C'est soit on joue, soit t'es sérieuse et je te laisse pas le choix. C'est toi et moi, de passer à deux, va se finir comme ça. J'ai merdé, désolé, mon mur t'a supprimé. C'est soit on joue, soit t'es sérieuse et je te laisse pas le choix. C'est soit on joue, soit t'es sérieuse. C'est soit on joue, soit t'es sérieuse. C'est soit on joue, soit t'es sérieuse. Soit on joue, soit t'es sérieuse et je te laisse pas le choix. Trop de complications pour une relation remplie de passion. J'ai la bombe, j'enchaîne les passes. Tu finis ces boulots, tu m'attendais. Mais entre nous deux, c'était tendu. Tu m'aimes et tu me détestes en même temps. Je veux de toi et ta copine en même temps. T'as essayé de prendre tes distances. Je veux grave de toi quand j'y repense. Je reviens, tu tombes dans le panneau. Boule, ton cœur est en panique. Elle m'envoie des kisses en emoji. J'ai pas changé, j'ai menti. La roue tourne, ça fait grave mal. J'suis obligé de tirer dans le mille. Que des problèmes, c'est la routine. Problème, c'est la routine. C'est pour ton bien si j'ai rien dit. Elle veut souffrir, elle veut souffrir. J'ai même plus le temps, moi c'est fini. J'avoue que j'ai pris ça pour un jeu. J'enchaîne les séances des studios. J'suis pas entre deux fesses, bébé, t'es parano. Mais peut-être bien que je te mens. C'est soit on joue, soit t'es sérieuse et je te laisse pas le choix. C'est toi et moi, de passer à deux, va se finir comme ça. J'ai merdé, désolé, mon mime t'a supprimé. C'est soit un jour, soit t'es sérieuse et je te laisse pas le choix. C'est soit un jour, soit t'es sérieuse. C'est soit un jour, soit t'es sérieuse. C'est soit un jour, soit t'es sérieuse. C'est soit un jour, soit t'es sérieuse et je te laisse pas le choix. Sérieuse et je te laisse pas le choix.